Filho querido da mamã Melanie Kakob, o nosso Salvador. Bebê, a tabu da minha família pobre. Jamais aquele la calibre, a tazangue pampers, kasi ki tabateo. Jobur mala. A zanga poudre kasi ma futa andila teo. Nabonanga na zanga yoe. Moutebae. Maître soupe. Pardon qu'au permettre te. Pardon Adolphe qu'au permettre te. Bolling on a bu son comme un rupture. Chila mouina. Nana linga kayo mingye. Si de le guide linga kayo mingye. Nakatilaï. Nalinga kayo mingye. Seleman zombi. Et toi, souhaite la camosika ye balete. Pauvreté, pembenia, souffrance. Les tinzong. Souhaite la camosika ye balete. Souffrance, pembenia, mobola. Bolingo pembenia, motema. Cristiano toujours na ballon. Bolingo pembenia, motema. Messi et Simbana, Neymar. Lovenga. Lovenga, Lovenga. Kylian Mbappé. Lekia Jires Kembo. Lovenga. Pati Kembo. Lovenga, Lovenga. Lovenga yo. Yannick Djerba, Gelor Wangyo. Couché comme un démodé. Mon père ses oies en pleurs. Dengue Chila Mouina zoa en pleurs. Na monte mananga. Dokotolo, Dr. Kinkani. Je t'aime bébé, Ngana linga kayo. Je t'aime. Je t'aime bébé, Ngana linga kayo. Adolphe, je t'aime. Ngana linga kaseyo. Adolphe, Mouteba. Président d'Angola, Sorozate, Sorozate n'a pas démissionné, Santé Lopez, Sorozate n'a pas quitté Napi Rouge, Nakomananga, Takwado, Namboka Yosali, Paolo Tudilo, Cavalier solitaire, Movia, Alex Mundai, Cantor Mouindo, Maréchal Luc Poison, Antonio Number One, Bijou Selemani, Ados Ngatana, Koma Soko Kosoli, Nako Susumuka. Atambwa se pela katena mpia ka metrena ye. Patron soki a la linza la moku eko circulete. Nzoto pe linga kate moteme zanga bolingo. Motema soki e kanisi trop. Nzoto e kokonda Adolf Mouteba Mama Flora president de Zika Bushko. Yannick Itima Indi ranga na koa o La brésilienne Papingi mbina state Oya Clarisse na biso moko. Chekenga omo nandenge ngana linga kayo. Karim Koperan zanga salaire adivaka na retro commission na ye. Bekam Bolingwe zanga salaire prelefa mo nandenge na konsoma kayo nansi senga ye. Hervé Katangana Alain Bomolo Jib Makaya. Attends j'ai loyer kozonga tokende lola. Fiston Pouela Sokyo zate na kosala resistance. Akoye bisanzabe Asale langa requisition. Patron serenge sika bolingo nangozo existe. Poison Kasere kae. Le cœur de la patronne Carole Bongale. Ato vandi pembe nyala Tanganyika. Le keki moura. Jamais bise koya kopesa yo bonjour. Yo chasseur aux amos sika kuna na mboka. Leticia Manga. Na moloko volontaire na ye komitika. Komanonga ye Adolphe. Mami reye konda. Claudie Gucci, on a piqué crise. Adolphe, médecine Sengi. Au secours, médecin Lobi Babenga. Mouté Bae na Kobika. Maladie Kosila. Ower Wata, AVC Koli Moué. Gilio Molicho, on a piqué crise. Adolphe, médecine Sengi. Au secours, médecin Lobi Babenga. Mouté Bae na Kobika. Samira Maladie Kosila. Mekawat AVC Koli Moué. Didier Bangou Lifungula Freddy. Serge Tata Kibokolo. Attends j'ai loyer kozonga tokende lola. Rasngandu Sokyo zate na kosala resistance. Akoye bisanzambe Asale langa requisition. Patron serenge sika bolingo nangozo existe. Moi met mon leka Mandela Weston Santa Kapende Gisèle Mozizo Sitara. Mozanga bimi sakari chambongo la flatte. Chardin Boto Mandi Milelo babenganga mondi entraîneur. Charlie Prince Nakate opesanga bolingo na tendresse. Nakanda Théo honorable Denise Chimou. Nasa disponible, Beleza Eyo. Kodou tete Berli Bea, tes yeux sont les yeux de l'amour, Yamani Bitota. Kodou tete yo moko moto kolonisanga po Paul Mumba. Jean-Jacques Bazola. Adam Foute Bozana Langfi. Yahweh Lietoka. Le PDG Yamajoli. Junior Lukombo. Petit Basele Nangaye. Seri Bouda. Pateke Kane Papa Naketia. Emerite Longa. Serge Lopez Toko. Koutoumi Makwata Papie Sao. Patrick Adoku. Yadjo Malanga Zana Longi. Michael P. Munga.